Mélodie d'un beau monde entier. Établissement d'ailleurs, nous avons l'espoir. Un Hico Ferre, Madine Suède. Un Claudiciar, RFI. Fianem, Soumiraga. Yoga Moutalikas, toujours en personne. Sous-titrage Société Radio-Canada.